Je ne suis pas prêt oh. Ouais, salut les gars, ça va? Ouais, c'est cool. C'est vraiment super cool. Je vais juste faire le niveau un coup. Ça a l'air de bien marcher. On peut dire que, sans exagérer, ce système est vraiment super. On peut dire que sans exagérer, ce système est vraiment super. Un peu évolué. Et ça marche bien. Oui, on peut dire que ça marche bien. C'est vraiment super, mon cher Grégoire. Bien nous amuser comme des enfants, comme des enfants, des enfants. Nous allons bien nous amuser. Nous allons bien nous amuser, les gars. As-tu entendu parler de gens? As-tu entendu parler de gens? As-tu entendu parler de gens? As-tu entendu parler de gens? Yeah.